dans un verre. C'est Oli. O-L-I. Oui. La Bible des petits. Je suis pas petit. Je suis grand. Bonjour, je suis Mazarine Pinjot. Et je suis Léonie Pinjot. Et nous allons vous raconter l'histoire de Madeleine et les mots qui fâchent. Madeleine est une petite fille très, mais très gentille. Si douce, si sage, toujours à l'écoute de ses parents. Elle a appris à parler très tôt et les adultes l'applaudissent quand ils l'entendent faire des phrases compliquées avec des mots aussi savants que « réciproquement »,« quotidien » ou « solennel ». Un jour, elle a même dit « hypothèse ». Pourtant, elle ne sait pas quoi répondre quand, un matin, ses parents lui annoncent « Ma chérie, tu vas avoir une petite sœur. » Une petite sœur? Oui, bon, et alors? Et puis, c'est dans longtemps. Mais Madeleine est intelligente. Elle sait que ses parents attendent d'elle quelque chose. Alors, pour leur faire plaisir, elle leur dit « Oh, je suis si heureuse. Oh, une petite sœur, c'est merveilleux. » 9 mois plus tard, alors que Madeleine prend son petit déjeuner, la maman s'écrie tout à coup « Aïe! Ouille! Elle frappe! C'est maintenant! On doit partir !» Le papa renchérit. « Vite, à la maternité. Toi, tu restes là et tu attends ta grand-mère. » En refermant la porte, la maman ajoute « Et surtout, n'ouvre à personne !» Madeleine se retrouve toute seule à la maison devant son bol de céréales. Elle n'a plus faim tout à coup. Heureusement, elle entend la porte d'entrée grincer. Elle accourt pour se réfugier dans les bras tendres de sa grand-mère. Mais ce n'est pas du tout sa grand-mère. Comment cette vieille femme toute fripée, avec un gros bouton poilu sur le nez et un œil en moins, a-t-elle fait pour entrer? Bouh, qu'elle sent mauvais! Madeleine recule. La vieille ouvre une bouche édentée. Bon, il est où le nouveau-né? Mais vous êtes qui? Ben, je suis la méchante sorcière qui vient jeter des sorts. Vous vous trompez, madame. Il n'y a pas de nouveau-né ici. Je suis seule et j'attends ma grand-mère, alors partez. Vexée, la sorcière renchérit. Si tu crois que je me déplace pour rien, sale bestiole, tu te trompes. Si je peux me permettre? Eh ben non, tu peux pas te permettre et on va pas y passer la journée. Pardon, mais vous n'auriez pas mangé de l'ail par hasard parce que... Ouh, dis donc, insolente. Puisqu'il n'y a pas de nouveau-né, c'est sur toi que le sort va tomber. Je vois que tu te débrouilles pas mal avec les mots. J'ai ma petite idée. Oh, oh, oh. C'est mon sort Veritas, le numéro 33. Que dirais-tu d'être condamné à dire le contraire de ce que tu souhaites dire? La sorcière jette sur le visage de Madeleine son haleine fétide. Madeleine ferme les yeux et croit s'évanouir. Mais au lieu de cela, elle répond. Oh oui, belle fée qui sentait si bon, j'en serais très heureuse. Madeleine est sidérée par la phrase qui vient de sortir d'elle. Alors qu'elle voulait dire... Pas question, sale sorcière. T'as pas intérêt. Et en plus, tu pues. Oh, je vois que le sort fonctionne. Se réjouit la sorcière. Au revoir, ma petite. Mais avant, une chose. Si tu veux un jour être délivrée de ce sort, il te faudra rencontrer la personne qui a reçu le même sort que toi. Il n'y en a pas beaucoup. Comme dans le memory, quand un couple se forme... Je l'enlève du jeu. Et elle repart par la porte d'entrée, non sans avoir ponctué son discours d'un énorme rot à l'ail. C'est alors qu'une seconde fois, la porte d'entrée s'ouvre. Mais Madeleine a peur. Elle court se cacher sous la table de la cuisine. Une voix familière retentit. Ouf! Sa grand-mère. Comment lui cacher la malédiction? Désespérée, elle sanglote. Oh, ma petite chérie, que se passe-t-il? Tu es angoissée par l'arrivée de ta petite sœur? Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Il faudra juste lui faire une petite place. Jamais! Et le seul mot que Madeleine arrive à articuler, horrifiée par ce qu'elle vient de dire. Quand les parents reviennent avec un nourrisson dans un sac, Madeleine se précipite pour les embrasser. Maman lui présente Constance, sa petite sœur. Madeleine se penche sur elle, un grand sourire aux lèvres, et lâche. Mais que tu es moche, espèce de grosse horreur! Papa la reprend. Madeleine, tu ne peux pas lui parler comme ça. Pas pardon, mon papa. Je la déteste déjà, et j'essaierai d'être toujours méchante avec elle. Les parents se regardent, interloqués. Ça ne ressemble pas à leur petite Madeleine. Que s'est-il donc passé? Madeleine court dans sa chambre pour s'enfermer. La malédiction de la sorcière est horrible. Sa vie est finie. Dans le salon, elle entend les parents chuchoter. Non, mais c'est pas possible. Je ne crois pas. Mais Madeleine, Il doit y avoir un conciliaboule, un conciliabule. Voilà que dans l'émotion, elle est en train de perdre ses mots rares. Alors elle les recompte. Solennel, réciproque, hypothèse, conciliabule, quotidien. En revanche... Non, voilà, ils sont bien là. Au moins n'a-t-elle pas perdu son trésor. Mais à quoi va-t-il pouvoir servir si elle dit le contraire de ce qu'elle voudrait dire? Sa maman rentre dans la chambre sur la pointe des pieds. Tu es triste à cause de l'arrivée de Constance? Oui, elle hurle et me gâche la vie. Je comprends, c'est normal, ma chérie, de réagir comme ça. Mais tu verras, c'est chouette d'avoir quelqu'un avec qui jouer. Non, c'est atroce. Je suis si malheureuse. Et je pense que vous l'êtes aussi. Notre vie est gâchée. Pleure Madeleine. Le lendemain, à l'école, la maîtresse est consternée. Madeleine a d'abord marché sur le pied d'un camarade et refusé de s'excuser. Aïe ! J'ai fait exprès. Pas pardon. Je ne suis tellement pas désolée. Jamais je ne m'excuserai, car je ne t'ai pas fait mal. Puis, à la cantine... Ces boulettes sont infectes. Je refuse d'en manger. Tout en finissant son plat jusqu'à la dernière goutte de sauce. Enfin, quand la maîtresse lui a demandé de réciter sa poésie « Le dormeur du Val », elle a dit « Non, pas question. Je déteste ce stupide poème. » Mais s'est levée et l'a parfaitement récité. Le soir même, alors que Madeleine joue au-dessus du berceau de Constance, elle s'exclame « Mmm, ça sent délicieusement bon. Je voudrais en manger avec des fraises et de la chantilly. » Son père s'approche alors du berceau. D'où provient une odeur épouvantable. Constance a fait un énorme caca. Les parents vont consulter les médecins les plus fameux. Rien n'y fait. On se résout alors à faire appel à une aide remboursée par la Sécurité sociale. C'est une jeune fille du nom de Léontine qui accompagne partout Madeleine pour traduire sa pensée. Ainsi, lorsque Madeleine veut faire un compliment, espèce de perruche poilue aux yeux globuleux. Léontine traduit « Tu es très jolie avec tes longs cheveux et tes yeux en amande. » À la maison, les relations avec Constance s'améliorent. Quand Madeleine l'appelle « Oh, mon gros bébé cadom, plein de vomi et de morve, que je déteste tellement !» Léontine traduit « Oh, mon joli bébé joufflu qui sent si bon, je t'aime tellement !» Le temps passe et Madeleine devient une ravissante jeune fille. Depuis que Constance est née, elle lui a appris peu à peu tout son vocabulaire. Ainsi, Constance fait des phrases comme « Avec cet air solennel et quotidien, je fais en revanche l'hypothèse que les parents sont réciproques. » Madeleine sait que ça ne veut pas dire grand-chose, mais au moins c'est joli. Et les adultes applaudissent, comme quand elle était jadis au centre de l'attention. Les deux sœurs discutent beaucoup toutes les deux. Elles se comprennent, elles sont complices. Mais en dehors de la maison, Madeleine a décidé de se taire. Et c'est dur, parce qu'elle a remarqué un garçon qui lui plaît vraiment. Mais alors, vraiment beaucoup. Il s'appelle Paul et s'assoit tout le temps au fond de la classe, comme elle. Et ne parle à personne, comme elle. Leurs regards se croisent souvent. Un soir, alors que tout le monde est parti, il se retrouve seul, obligé de se dire au revoir. Paul lâche alors « Je te déteste, horrible petite bonne femme, aux cheveux filasses et au visage bouffi. » Madeleine écarquille les yeux. « Serait-ce possible ?» Elle lui répond alors, le cœur au bord de l'explosion. « Ah, moi aussi je te hais, gros crapaud baveux. Je te trouve si hideux que je ne veux surtout pas être avec toi. » D'un coup, un souffle chaud et vert sort de sa bouche et de ses narines. Elle va s'évanouir quand Paul la rattrape in extremis. Ils hésitent, puis essaient timidement Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Ils prononcent alors en chœur cette phrase. Notre amour solennel est parfaitement réciproque. Et ce n'est plus une hypothèse, c'est notre quotidien. Bien fait pour la sorcière. C'est de la forme d'une paire. La malédiction a été vaincue. Mais Paul et Madeleine se promettent de toujours se dire au moins une fois par jour le contraire de ce qu'ils souhaitent dire. Et voilà, l'histoire n'est pas finie. Et maintenant, pas au lit. Non, une autre. Oui. Tu as aimé ce conte? Eh bien, tu peux retrouver en librairie déjà 12 histoires de la collection Oli France Inter dans de beaux albums illustrés.